Jah Almighty want the law, realize. Que l'amour est autour de toi, realize. Que tu es qu'un compte sur toi, realize. Oh Jah Almighty, moi, je voudrais tant que tout le monde succombe. Mighty One qui dans nos vies inonde de l'eau, oh, oh, oh. Et tout simplement la lumière fut sur tes ombres, toi qui te donnera la force et l'espoir et le courage d'y croire, il n'y a rien d'aussi d'or. Oh my God. Almighty one love, realize. Que l'amour est autour de toi, realize. Et tu es qu'un compte sur toi, realize. Oh Jah Almighty, moi, sur ta route, tu ne verras plus d'embûches, no. Aucun bamboclate ne pourra barrer ta route. Et ce sera le moment de se réveiller. Tu verras la réalité. Tu verras que tous les people sont en train de s'entretuer. Pour un bout de paquet de terre sont-ils censés. Alors que c'est Dieu qui nous a tout donné. Mais realize. Jah Almighty wanna lie. Realize. Que l'amour est autour de toi. Realize. Tu es qu'un compte sur toi, realize. Oh Jah Almighty, moi. Vous levez la tête, demandez son biche, connais pas mille en temps. Tous les jours, il le faut gars. Tous les blocs, les mamboukas, les moussikas, tout ce monde-là, faut les fayas. Respecte la loi de la stricta, ramène le genre de la donne à la classe. En Caraïbe, il y a un ghetto youth. À gage, je dis qu'il faut respecter le travail des brothers. Il faut respecter les sisters, future maman. Il faut faire le bail qu'il faut dans le monde, si bas, ça dépasse. Il y a Babylon, Cyberpunk, Bambocla. Il a entre ses mains toutes nos destinies, hey, yeah. Et cet amour qui nous donne n'a pas de billet. Realize. Jah Almighty wanna lie. Realize. Realize. L'amour est autour de toi. Realize.